Et voilà l'homme qui se déplace doucement, sans faire de vagues. Il vit lentement, on ne le remarque pas. Dans les rues du bourg, on l'évite à peine. Au détour d'un carrefour, mais vous auriez tort de croire qu'on lui manque de respect. Là n'est pas l'histoire. Simplement, on ne le voit pas. À chaque rendez-vous, il presse le pas. Il arrive avant l'heure, en s'excusant bien mal. Ne pas parler trop fort dans les restaurants, rester à sa place, surtout faire semblant, et faire attention dans les ascenseurs, ne bousculer personne et ne pas faire peur. Des premiers, cet homme donnerait sa vie si quelqu'un lui demandait. Lorsqu'il sourit, c'est bien tard, le soir, après quelques bières, sans l'envie de boire. Si parfois il pouvait hurler dans l'escalier, aussi frapper des pieds, une fois la nuit tombée. Si un jour il pouvait, quand ses jambes à son cou traversaient la grande route tout en dehors des clous. Ah mais... Aujourd'hui dans le journal, on pouvait lire cette nuit, un homme est mort. Personne n'est venu réclamer son corps. Plus de musique. Voilà l'heure. Il se déplace doucement, sans faire de vagues. Sans faire.